préfet de Paris, Benson Mambika, y'a Romain Lokwai Kondo, monteur en marche, très fort, Charles Dangui, le cache permanent, Raymond Mouloudique. Ah, wa tolina nina yongula, les coquilles, et Bessi Pengouya Makasi, poti, nous oua chancé. Madame Sena Faye de Conakry. Bolingo na pesa kilobi konanga. Talabe makambo sali mambika ho. Nataki elika toko vandati vasuka. Lelo dosuki wapyo. Pesa mambika papa na nobi. Yeba tena linga kayo ya mingyo. Libala bongo esuka kata. Mala mala. intelligence, courage. Les lits, les lits.